Unité 13. Le singulier et le pluriel des noms. 3. Prononciation. On ne prononce pas les consonnes finales S, X et Z. Le singulier et le pluriel ont la même prononciation. Un fruit. Des fruits. Une banane. Des bananes. Le bras. Les bras. Une noix. Des noix. Un nez. Des nez. Un genou. Deux genoux. Certains noms n'ont pas la même prononciation au singulier et au pluriel. Un animal. Des animaux. Le travail. Les travaux. L'œil. Les yeux. Un œuf. Des œufs.